veut que nous fîmes sur la pelouse du plus splendide champ du Tchéchir. Gise flétri par ta main, en vain tentais-je de les ranimer. Notre amour fut un ruisseau tendre, mais maintenant que tu trouves fastidieux l'extase que nous partageons, c'est un puits noyant souvenir et gémissement. La moitié du monde s'est obscurcie et l'autre a brillé depuis ton départ. 10 ans d'émotion virginale ne sont qu'un adieu. Sur l'herbe d'un paisible champ du Tchéchir furent brûlés par ta main. C'est un bourbier qui noie la mémoire. Je ne t'irriterai plus de mon amour, ne résisterai plus à l'univers et ses desseins. D'aimer, de me réjouir à nouveau et mourir.